Dissimulée derrière une tapisserie de la salle du gouvernement, la reine a entendu les remontrances de Rublas au conseiller privé du roi. Après leur départ, elle félicite Rublas et lui avoue le rôle qu'elle a joué dans sa fulgurante ascension politique. Et, après lui avoir avoué aussi l'amour qu'elle lui porte, la reine l'encourage à continuer son action pour sauver l'Espagne avant de le laisser seul dans la salle du gouvernement.